إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك إن شاء الله نغوخ دون لو دوزيام انيلاتيف الناقد الثاني من نواقد الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى افيك لو شرح للشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى Et le deuxième annulatif, النقد الثاني, من جعل بينه وبين الله وسائط. قال المصنف رحمه الله تعالى, أي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, الثاني, من جعل بينه وبين الله وسائط, يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم, فقد كفر إجماعا. Le deuxième annulatif, c'est l'auteur, qui est Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, رحمه الله تعالى, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit, le deuxième, c'est-à-dire le deuxième annulatif parmi les 10 annulatifs de l'islam qu'on va étudier ensemble, inshallah, celui qui prend entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque et à qui il demande l'intercession et en lesquels il place sa confiance aura mécru et ce à l'unanimité. Maintenant, on a l'explication de Sharah de Sheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, hafidhahu Allahu ta'ala. Il dit, « Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wa sa'ita, yad'uhum wa yas'aluhum al-shafa'ata wa yatawakkalu alihim kafara ijma'a, wa du'a'u al-hayy lil-mayyit lahu ahwal. Al-halu al-oula, an yad'u al-mayyit fi ma huwa, ou yad'u al-mayyit fi ma huwa min khasa'isillah, ka an yaqul, ighfirli, warhamni, warzuqni, washfi maridhi, wa yas'aluhu yatlubu minhu an yahmiyahu, wa an yassira umurahu wa nahwa dhalik. » فهذا شرك أكبر مخرج من الملة وهو موضوع الناقد الأول. Donc Cheikh حفظه الله تعالى, il reprend la parole de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Il dit, celui qui prend entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque et à qui il demande l'intercession et en lesquels il place sa confiance aura mécru et ce à l'unanimité. Puis Cheikh حفظه الله, il va faire un tafsil, il dit que l'invocation du vivant au mort a différents états. On va voir trois états, inshallah. Le premier état, c'est qu'il invoque le mort en ce qui fait partie des spécificités d'Allah, comme de dire, pardonne-moi et fais-moi miséricorde et guéris mon malade. Il lui demande et lui demande qu'il le protège et lui facilite ses affaires, etc. Ceci est une mécréance majeure qui fait sortir celui qui la commet de la religion et c'est le sujet du premier annulatif. Pourquoi c'est le sujet du premier annulatif? C'est quoi le premier annulatif? Shirk fi, c'est l'association dans l'adoration, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, on avait vu ça ou pas, hein? Le premier naqid, il dit ici, et c'est le sujet du premier annulatif. Puis il dit le deuxième état, al-hal uthaniya, hein? Et c'est juste de dire en arabe al-hal uthaniya parce que al-hal, il y a juste fi tazkir wa ta'nith, al-afsah ta'nith. Dans la langue arabe, le fait de dire al-hal, ça peut être masculin, féminin, et le plus hein, le meilleur en langue arabe, c'est de le dire au féminin. Donc il a dit الحال الثانية أن يدعو الميت طالبا منه أن يدعو الميت طالبا منه أن يتوسط بينه وبين الله وأن يشفع له عند الله وأن يعتمد على الميت ويرغب إليه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة وهو موضوع الناقد الثاني. قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc c'est sourate Younus verset 18. Il dit donc le cheikh, le deuxième état parmi les trois états qu'on va voir inshallah, on a dit que les trois états qui concernent quoi? L'invocation du vivant au mort. On avait dit le premier état, hein, et que ça revenait à quoi? Au premier annulatif. On voit maintenant le deuxième état. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence ici. Pourquoi le cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a cité ce deuxième annulatif à part. C'est ça qu'il est en train de prouver ici, en fait. D'accord ? Il dit le deuxième état, qu'il invoque le mort en lui demandant d'être un intermédiaire entre lui et Allah, et qu'il intercède pour lui auprès d'Allah, et il compte sur lui, et il aspire à lui. Ceci est une mécréance majeure qui fait sortir celui qui l'a commis de la religion. Donc le premier, c'est une mécréance majeure. Le deuxième, c'est une mécréance majeure. L'a'adhu billahi min dhalik. Et c'est le sujet du deuxième annulatif. Allah dit, c'est dans la traduction du sens, parce que le cheikh parle avec preuve, il dit, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate Younus, verset 18. Maintenant, après avoir vu le premier état et le deuxième état, on va voir le troisième état. الحال الثالثة أن يطلب من الميت عند قبره أن يدعو الله له كما يطلب من الحي بدون أن يصرف شيئا من خصائص الله إلى الميت فهذا توسل بدعي محرم فإن صرف شيئا من خصائص الله للميت بأن يطلب منه ذلك بعيدا عن قبره أو عند قبره ولكن بصورة خفية أو يقترن طلبه باعتماد على الميت والرغبة إليه أو صرف شيء من العبادة له كالطواف والذبح له أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله كالاستسقاء وشفاء المرضى والرزق ونحو ذلك فهذا شرك أكبر وهو موضوع الناقد الأول فهذا الناقد يعود إلى الناقد الأول لأنه من شرك العبادة ذلك في الحال الأولى وبعض الصور الحال الثالثة وينفرد عنه في صورته في الحال الثانية لذلك أفرده المصنف رحمه الله تعالى. Donc Cheikh Issil dit, le troisième état, eh bien c'est quoi? C'est qu'il demande au mort, à sa tombe, hein, près de sa tombe, qu'il invoque Allah pour lui. Comme il demande au vivant, sans détourner l'une des spécificités d'Allah vers le mort, c'est quoi ici? C'est hein, ce qu'on appelle un tawassul innové et illicite. Tawassul, de manière très... toujours dans la linguistique, parce que c'est difficile de reproduire ce genre de notion-là. Nous, on va traduire ça par c'est le fait de prendre un moyen pour se rapprocher du but. Comme il l'a dit sur l'Athéimine, rahimahullah ta'ala. Hein? D'accord? Vous avez vu comment le cheikh il est précis ici. Je répète cette phrase, qu'elle est importante ici. Il a dit quoi? Il a dit qu'il demande aux morts à sa tombe, près de sa tombe, qu'il invoque Allah pour lui, comme il demande aux vivants. Sans détourner l'une des spécificités d'Allah vers le mort, cela est un tawassul innové et illicite. D'accord ? Vous voyez la différence entre quoi, le deuxième état et le troisième état, vous voyez ou pas ? Hein ? Il dit le cheikh, s'il détourne l'une des spécificités d'Allah aux morts, en demandant cela en étant éloigné de sa tombe, d'accord ? Ou à sa tombe de manière cachée, ou que sa demande soit accompagnée du fait de compter sur le mort, et d'aspirer à lui ou de lui vouer une adoration comme la circumambulation, on a vu c'était quoi, le fait de traduire ce qu'on appelle tawaf, d'accord, ou l'immolation, dhabh, hein, ou de lui demander ce dont seul Allah est capable, comme demander de la pluie, ou de guérir les malades, et la provision, etc. Eh bien ceci c'est une quoi? Hein? Shirk, na'am, ahsantum, c'est quoi? Hein? C'est une, le shirk, il a dit shirkun akbar, c'est une association quoi? Majeur. Et c'est le sujet de quel annulatif? Du premier ahsant. Et c'est le sujet du premier annulatif. Donc cet annulatif revient au premier annulatif. Pourquoi? Car cela fait partie de l'association dans l'adoration. Et cela dans le premier état cité précédemment. Donc on a trois états, on est d'accord? Donc, ça revient au premier annulatif. Ici, c'est le premier état qu'on a cité. Qui est quoi le premier état? C'est qu'il... Hein? Ouais, je parle pas du premier annulatif, je parle du premier état, j'ai dit. On va résumer. Les états de quoi? C'était quoi le titre? On a cité quelque chose, puis on a dit il y a trois états, ça? C'est quoi ce qu'on a dit? C'est la vocation du vivant au mort. Il y a trois états. C'est quoi le premier état? C'est qu'il invoque le mort en ce qui fait partie des spécificités d'Allah. Comme de dire pardonne-moi, arfirli, irhamni, etc. Comme l'a dit le shir. D'accord? Ceci est une mécréance majeure qu'il fait sortir de la religion. Et c'est le sujet du quel annulatif? Premier. Donc premier état, c'est le sujet du premier annulatif. On est d'accord? Maintenant, deuxième état. Deuxième état de quoi? De la vocation du vivant au mort. Deuxième état, c'est quoi? Qu'il invoque le mort, lui demandant d'être un intermédiaire entre lui et Allah, et qu'il intercède pour lui auprès d'Allah, et il compte sur lui, il aspire à lui, etc. D'accord? Il a dit, le shirk, c'est quoi ici le hukm? Hein? C'est une mécréance majeure, on est d'accord? Il a dit, pour être plus précis, il a dit c'est une association majeure, pour être plus précis. Et c'est le sujet de quel annulatif ça? Le deuxième. Donc le premier état revient à quel annulatif? Le premier. Le deuxième état revient à quel annulatif? Deuxième. Si vous ne savez pas c'est quoi le deuxième annulatif, c'est normal que vous ne sachiez pas répondre. C'est quoi le deuxième annulatif, on l'a dit? Hein? Il aide. En quoi il aide? Qui connaît le matin? Qui sait le dire par cœur? D'accord? Hein? C'est vrai, le hifd, comment il aide ici? D'accord? Donc, premier état, on revient à quel annulatif? Premier annulatif. Qui était quoi? Ash-shirk fi? Ibadatillah. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième état, il revient à quel annulatif? Le deuxième, qui est de quoi? On a dit, man ja'ala baynahu bayna Allah wasaita yad'uhum wa yas'aluhum shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim. D'accord? Faqad kafara ijma'an. Maintenant, le troisième état, c'est quoi le troisième état? Qu'il demande aux morts à sa tombe qu'il invoque Allah pour lui, comme s'il demandait à qui? Aux vivants, sans, regardez la condition, sans détourner l'une des spécificité d'Allah vers le mort, c'est ce qu'on appelle un tawassul bid'i muharram. La différence, elle est claire. Hein? Parce que, non, c'est pas clair. Vous avez les notes, vous reverrez après, Inch'Allah. Sur le PDF. Là, j'ai répété deux fois, c'est suffisant. Hein? On a dit, ici, vous voyez pas la différence. Le français, il est clair ici. Regardez ce qu'il a dit. Qu'il demande au mort, à sa tombe, qu'il invoque Allah pour lui, comme il demande aux vivants. Sans détourner l'une des spécificités d'Allah vers le mort. C'est un tawassul innové et illicite. Et puis le shir, il est très clair dans ce qu'il dit. Il dit, s'il détourne l'une des spécificités d'Allah au mort en demandant cela, en étant éloigné de sa tombe. On va voir, vous allez comprendre pourquoi il a dit qu'il a utilisé le mot éloigné de sa tombe. Hein? Il va l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Ou à sa tombe, mais de manière cachée. Ou que sa demande soit accompagnée du fait de compter sur le mort. Et d'aspirer à lui, ou de lui vouer une adoration, comme la circumambulation, tawaf, ou comme l'immolation, dabh, ou lui demander ce dont seul Allah est capable, comme demander de la pluie, ou de guérir les malades, et la provision, etc. Ceci est une association majeure. Et c'est le sujet de quel annulatif? Alhamdulillah, le premier. Hein? Donc cet annulatif revient au premier annulatif, car cela fait partie de l'association dans l'adoration. Et cela dans le premier état qu'on a cité maintenant, précédemment, d'accord? Et certaines manifestations du troisième état reviennent à quel annulatif? Troisième état, c'était quoi, on a dit? On avait dit que c'était un tawassul bil muharram. Mais dans certaines manifestations, il a donné les conditions, les chers, ça revient à quel annulatif? Le premier aussi. Tandis que le deuxième état, ça revient à quel annulatif? Alhamdulillah. Hein? Au deuxième, on est d'accord. Je répète cette phrase. Donc cet annulatif revient au premier annulatif car cela fait partie de l'association dans l'adoration. Et cela dans le premier état cité précédemment. D'accord? Vous suivez? Et certaines manifestations de quel état? Troisième. Des troisièmes, hein? État cité précédemment. Et se singularise de lui, c'est-à-dire du premier annulatif, dans son deuxième état. Donc si vous voulez, ce deuxième naqid, hein, il se singularise par rapport au premier dans le deuxième état. Hein? Et c'est pour cela que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a cité, le deuxième annulatif, de manière individuelle. C'est vrai que dans ce PDF, je vous ai mis beaucoup de parenthèses, chaque fois pour aider la compréhension. Hein? Qu'on suive le fil. Maintenant, on continue. Vous allez voir plus clair, Inch'Allah. Fal-awwalu في من صرف شيئا من خصائص الله في ألوهيته لغير الله كمن سأل غير الله أو صلى لغير الله أو دعا الأموات أو استغاث بهم أو نذر أو ذبح لهم والثاني في من جعل وسائط بينه وبين الله يصرف إليهم عبادته من دون الله، فهو في الصورة لم يسويهم بالله بل جعلهم وسائط بينه وبين الله، وصرف لهم شيئا من خصائص الله في ألوهيته، فهو يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. والدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله وزعمت أنه من وسائط بينك وبين الله فقد أشركت بالله، إذ صرفت شيئا من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك. Alors le premier annulatif est au sujet de celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah. On avait déjà vu ça dans le cours précédent ou le cours encore d'avant. D'accord ? C'est quel cours ? Hein ? Les 8 et le 9. Parce que le premier naqad, on l'a fait dans le 8 et le 9. Le premier annulatif est au sujet de celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah dans sa divinité vers autre qu'Allah. Comme celui qui demande à autre qu'Allah, ou prie pour autre qu'Allah, ou invoque les morts, ou implore leur secours, ou leur voue un vœu, ou immole pour eux. C'est tout ça, c'est des actes de quoi de, hein, d'adoration. D'accord ? Le deuxième annulatif, hein, regardez le bon enseignement du shir, vous allez voir, Inch'Allah, sur les notes ici, hein, je vous ai fait des petits tableaux comme ça, avec des, petites, hein, des petits signes pour voir plus clair, etc. Donc c'est toujours important que je vous dis toujours après le dars de quoi ? De revoir avec le PDF, c'est pas la même chose. Hein, parce que on peut admettre que le cheikh Mubarak Fiyani, c'est un savant d'Ahl Sunna al-Jama'a, hein, il est très technique, il est très précis, il est synthétique dans ce qu'il fait, donc on a, c'est important d'avoir les notes devant soi. D'accord ? Le deuxième annulatif est au sujet de celui qui prend des intermédiaires entre lui et Allah, et leur voue son adoration en dehors d'Allah. Donc en apparence, il ne les a pas mis à l'égal d'Allah, mais de plus, il les a pris comme intermédiaires entre lui et Allah. Et a détourné vers eux l'une des spécificités d'Allah dans sa divinité. Et donc les invoque et leur demande l'intercession et place sa confiance en eux. Donc vous voyez la différence entre le premier et le deuxième annulatif, hein? Or, on a dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada. C'est ça la version qui est authentique, hein? Ad-du'a huwa al-ibada. Or l'invocation est l'adoration. Et donc si tu invoques autre qu'Allah et que tu prétends qu'ils sont des intermédiaires entre toi et Allah, ça revient à quoi? Que tu auras wal'adu billahi min dhalik, que tu auras associé à Allah, car tu voues un acte d'adoration à autre qu'Allah, et celui qui voue un acte d'adoration à autre qu'Allah aura mécru et associé. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on appelle al-wasa'il shar'iyya li du'a illahi subhanahu wa ta'ala hiya at-taliya. Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il dit wal-wasa'il shar'iyya li du'a illahi subhanahu wa ta'ala hiya at-taliya. C'est une question qu'on va se poser maintenant. Bien, quels sont les moyens légiférés d'invoquer Allah, hein? Donc, Cheikh, il dit, et les moyens légiférés d'invoquer Allah, exalté soit-il, sont les suivants. D'accord? Afwan, si je me mets comme ça, parce que j'ai une blessure à la jambe. Hein? La première voie, on va les voir maintenant. Première voie, et on ne va pas faire tout le deuxième annulatif aujourd'hui, parce que sinon on va faire un cours de 2h30, ça ne sert à rien. Hein? Je suppose que ça ne vous arrange pas non plus. Donc on va le faire peut-être en deux cours, Inch'Allah. Donc il dit, Al-Tariq al-Awwal, Al-Tawassul ilallahi subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Et puis il donne un dalil de ça, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, Wa lillahi l'asma' al-husna fad'uhu biha, wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujzawna ma kanu ya'malun, surat al-A'raf. فأنت تتوسل إلى الله وتتقرب إلى الله بذكر أسمائه وصفاته وتقول اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمني واغفر لي اللهم يا مالك يوم الدين ارحمني واغفر لي ونحو ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc le premier moyen légiféré d'invoquer Allah, c'est le fait, c'est la première voie comme il dit le cheikh, se rapprocher d'Allah par quoi? Par ses noms et ses attributs les plus beaux. D'accord? La traduction du sens de la parole d'Allah dit, il donne une preuve, qui est le surat Al-A'raf, verset 180, dont la traduction du sens est, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, et regardez le verset comme il est clair, fad'uhu biha, invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Surat Al-A'raf, donc verset quoi? 180. Donc, cher, il dit, donc toi, si tu prends comme moyen pour te rapprocher, tu te rapproches d'Allah en évoquant ses noms et ses attributs, et tu dis, Ô tout miséricordieux, hein? Ô tout miséricordieux, Ya Rahman, ô très miséricordieux, Ya Rahim, Sois miséricordieux envers moi et pardonne-moi. Ô maître du jour de la rétribution, Ya Malik Yawmiddin, Ya Malik Yawmiddin, ô maître du jour de la rétribution, sois miséricordieux envers moi et pardonne-moi. Et d'autres parmi ses noms et ses attributs. Donc maintenant, si vous voulez, on a quoi? Les moyens légiférés d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné plusieurs voies. La première voie, c'est de faire quoi? De demander à Allah par ses noms et ses attributs. Et là, c'était quel verset? Surat Al-A'raf, verset 180. C'est important. Il est court le verset, essayez de le mémoriser par cœur, comme ça vous savez que voilà, il y a un tawassul shar'i, d'accord? C'est par Asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, wa dalil qawluhu ta'ala min surat al-A'raf, hein? Wa lillahi al-asma'ul husna ila akhir al-aya, d'accord? Essayez de retenir, parce qu'Ahl Sunnah, quand on parle avec dalil, parce qu'il se peut qu'un jour tu fasses da'wa à quelqu'un, hein? Ou que tu expliques quelque chose à quelqu'un, déjà pour toi-même, mais que tu veuilles donner un bénéfice à quelqu'un, etc. Et Ahl Sunnah, on parle avec quoi? Avec dalil. Hein? Et dalil, c'est ce que tu as. Avec toi, que tu portais quoi dans ta poitrine, d'accord, hein? Est-ce que tu as mémorisé, de préférence? Puis il dit maintenant, il donne une deuxième voie, ou un deuxième moyen légiféré. At-tariq al-thani li-tawassul al-mashru' an tatawassala ila Allah subhanahu wa ta'ala bil-a'mal as-salihah. Taqul Allahumma in kuntu fa'altu hadha al-'amal talaban li-mardatik wa khawfan min sakhatik. Allahumma fafruj 'anni kadha wa kadha. Allahumma faf'al li kadha wa kadha. Deuxième voie légiférée comme moyen de se rapprocher d'Allah, après les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Que tu te rapproches d'Allah au moyen des actions vertueuses. Alors moi je vous pose la question, si maintenant tu dis ça à quelqu'un, tu dis voilà, akhi, ça c'est un moyen légiféré, hein, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de demander par les actions vertueuses, et tu dis, oh, c'est quoi ton dalil, qu'est-ce que tu lui dis? Hadith. Il y en a, ils ont dit hadith, et puis sont tués. Il y en a beaucoup de hadith. Tu lui dis comme ça, hadith. Hein? C'est quoi ta preuve? Hadith. Hein? Un âme. Hein? Je sais que vous avez peur de pas. Et moi, qu'est-ce que je dois dire que je suis devant le micro? C'est le micro qui fait ça. Hein? Ça. Hein? On n'ose pas parler. Allah al-Musta'an. Je vais le tourner vers vous. Hein? Eh bien, c'est exactement ça. Et c'est le hadith qu'on va faire. Inch'Allah, on va rapporter des fawaïd. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus. Parce qu'on a, j'ai essayé d'aller un peu en profondeur. Parce que c'est un hadith important qu'on entend souvent parler. Il y a pas mal de fawaïd à tirer de ça. Donc, on a été chercher un peu dans les livres et tout ça, Inch'Allah. D'accord? Donc, il cite d'ailleurs le cheikh, il dit la deuxième voie légiférée, qu'on reprenne le fil, comme moyen de se rapprocher d'Allah, c'est que tu te rapproches d'Allah au moyen de quoi? Des l'a'mal saliha. Donc, après l'asma wa sifat, c'est quoi? L'a'mal saliha. C'est que tu te rapproches d'Allah au moyen des actions vertueuses. Oh Allah, si j'ai fait telle et telle chose, cherchant par cela ta satisfaction et par peur de ta colère, alors éloigne de moi telle et telle chose. D'accord? Hein? Et la preuve de ce deuxième type, Cheikh il dit, « وَالدَّلِيلُ عَلَى هَدَى النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوعِ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْغَارِ » Vous avez raison. Hein? C'est quoi? C'est que le hadith que vous avez utilisé, c'est bien une preuve pour ça. C'est le hadith de ce qu'on appelle les gens de la caverne. D'accord? Alors vous croyez que c'est la même caverne qui est citée dans le Coran? Non. On va voir la réponse, Inch'Allah. Hein? On va voir la réponse, Inch'Allah. An ibn Omar, radiallahu anhuma, an il-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, aqal. Je lis tout le hadith en arabe, il est un peu long, et comme ça on traduit petit à petit en français, parce que c'est important de garder le fil en français, parce que ça va être un peu technique, Inch'Allah. خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل فعلتموه أو عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب وفخسك والحلاب لعلماء يزون des explications de l'hilab. فالحلاب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر Donc, il y a trois personnes, trois hommes qui étaient ensemble. Et ça, c'est le deuxième maintenant. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة إن شاء الله فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك قال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم والحديث متفق عليه أخرج البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. C'est quoi ce magnifique hadith parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui est la preuve du deuxième moyen de légiférer, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Par les actions vertueuses. Eh bien c'est quoi? C'est la preuve de ce deuxième type de moyen légiféré de se rapprocher d'Allah, le récit des gens de la caverne. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Hein? C'est d'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, Abdullah Ibn Omar, compagnon, fils de compagnon, le fils d'Omar Ibn Khattab, c'est pour ça qu'on dit qu'Allah les agrée tous deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois hommes. Alors là, on va déjà faire un point par rapport à ça. Trois hommes. Est-ce qu'on connaît leur nom? Hein? Cheikh Mohamed Al-Amin Ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari dit son explication de l'authentique de l'imam muslim, volume 25, page 172. Parmi les communautés qui vous ont précédé. Donc c'est des hommes parmi, c'est un premier point, parmi les communautés qui vous ont précédé, d'accord? Et Al-Hafid ibn Hazar a dit « Lam aqif ala asma'ihim ». Littéralement, il ne s'est pas arrêté sur leur nom, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé leur nom. Ça c'est un premier point. Donc je reviens maintenant. Trois hommes marchaient lorsqu'ils furent atteints par la pluie. Là on fait un arrêt encore une fois, d'accord? Pourquoi ils étaient en train de marcher? Hein? C'est intéressant de savoir. Il y a dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Ibn Hibban al-Bazzar, qu'ils étaient sortis s'approvisionner en nourriture pour leur famille. Voir référence précédente, je ne vais pas à chaque fois la citer, hein? On va vous faciliter la tâche, je vous fais chaque fois voir référence précédente. Ils entrèrent donc dans une caverne d'une montagne. Un autre point, cette caverne, elle est appelée comment? Ar-Raqim. Ar-Raqim. Et c'est la caverne citée par Allah dans le noble Coran. Et ce qui indique cela, c'est ce qui a été rapporté par Al-Bazzar et Tabarani avec une bonne chaîne de transmission d'après Nu'man ibn Bashir qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam citer Al-Raqim disant trois hommes partirent et ils étaient dans une caverne et la montagne tomba et il cite Al-Hadith. Voir Al-Fath d'Ibn Hajar Al-Asqalani et référence précédente de Sheikh Al-Harari. Un rocher s'affaissa alors sur eux. Il dit, l'un d'entre eux dit aux autres, invoquez Allah par la meilleure action que vous ayez faite. C'est quoi ça? Tawassul par quoi? Hein? Par les, qu'on a dit, les actions vertueuses. Donc c'est important que vous preniez bien dans ce dalil-là, pourquoi on utilise ça comme dalil, comme preuve, pour ce qu'on avance. D'accord? Sur le hadith, il est clair. Invoquez Allah par la meilleure action que vous ayez faite. L'un d'entre eux dit alors, « Oh Allah, j'avais deux parents, vieux et âgés, et je sortais mener, paître le bétail, puis je rentrais et je trayais le lait. Et je revenais avec le lait. » Vous avez entendu que le mot ici en arabe, c'est quoi qu'il existe? C'est pas le halib, c'est al-hilab. Al-hilab, on va faire un point là-dessus, c'est que le récipient dans lequel on traie le lait, et qui peut contenir le volume d'une traite de chamelle. D'accord? Et il est aussi dit que ce mot indique al-mahloub, qui est quoi? Le lait lui-même, ce qui a été trait. D'accord? Voir référence précédente, page 173. Et le ramener à mes parents, qui le buvaient. Et ensuite, j'ai donné à boire à mes enfants et à mes proches et à mon épouse. Une nuit, je fus bloqué. Le hadith, il dit comme ça. Une nuit, je fus bloqué. Pourquoi il était bloqué? Hein? Car il avait dit s'éloigner plus que d'habitude pour faire paître le bétail. Hein? Si on voulait, on a rapporté beaucoup, on aurait pu faire une heure de cours juste sur ce hadith-là. Même on a rapporté au moins quelques points pour susciter notre intérêt, pour qu'on ait un peu plus de connaissances de ce hadith. On ne peut pas tout citer. Revenez aux références que j'ai citées, Inch'Allah, si vous voulez en savoir plus. Et lorsque je revins, les parents dormaient. Hein, c'est-à-dire les parents dormaient. Il dit, je détestais les réveiller et les enfants criaient de faim à mes pieds. Là, les ulama, ils ont discussion. Comment est-ce qu'elle a laissé ses enfants crier de faim alors qu'il a entendu que ses parents se réveillent, etc. Hein? Et toute une discussion des ulama, différentes paroles, etc., etc. Ça, c'est trop long pour rapporter ça. Allez voir, Inch'Allah. Et telle fut ma situation et leur situation jusqu'à l'aube. Oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela désirant ta face. Qu'est-ce que ça veut dire désirant ta face? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit dans son explication de Riyad Salihin, volume 1, page 30, aux éditions d'Al Athar, le sens de cela, si j'étais sincère dans mon action. Ouvre-nous un espace par lequel on peut voir le ciel. Il dit, et cela fut ouvert pour eux. Et l'autre dit, maintenant on est qui? Le premier, c'est quoi un tawassul, comme disent les ulama? C'est quoi son action vertueuse à lui? C'est Birl Walidein. Hein, et quelle grande ibada que celle-là. D'accord? Deuxième, il dit, oh Allah, si tu sais que j'aimais une femme parmi les filles de mon oncle, le plus qu'un homme peut aimer les femmes. Hein, vous voyez la fitna des femmes. Et qu'elle dit, tu n'obtiendras pas cela d'elle tant que tu ne l'auras pas donné 100 dinars. Je l'ai cherché donc. Vous avez entendu le mot en arabe qu'il a utilisé dans cette version du hadith? Il a dit quoi? Hein? Il a dit فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّ جَمَعْتُهَا. D'accord? Nous on va traduire ça par je l'ai cherché donc jusqu'à ce que les j'ai rassemblés. Mais autre version du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis fatigué. Hein? D'accord? Je me suis fatigué, dans une autre version du hadith. Et lorsque je me mis entre ses jambes, c'est-à-dire entre les jambes de la femme qu'il voulait, hein? Ça maintenant on va faire un point par rapport à ça. Il y a dans les autres versions ce qui indique qu'en premier, elle a refusé. D'accord? Mais qu'ensuite, elle fut touchée par une sécheresse. Et il y a dans le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir, rapporté par At-Tabarani, qu'elle avait un mari. Hein? Et qu'elle a été chez lui trois fois pour lui demander de l'argent, à cet homme-là. De ce qui est convenable, bin al-ma'rouf. Mais il a refusé, sauf si elle s'offrait à lui. Et la troisième fois, elle accepta après qu'on ait demandé l'autorisation à son mari. Qui lui dit, supplé au manque de tes enfants. Voir l'explication de l'authentique de Muslim citée précédemment, page 175. Elle dit, donc l'homme, il est entre ses jambes. Hein? D'accord? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, crains Allah, ittaqillah. Hein? Et on va rapporter encore des faouïdes par rapport à ça. Dans quelle situation était la femme quand elle lui a dit ça? Hein? Elle lui a dit, crains Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, crains le châtiment pour la fornication. Voir référence citée précédemment. Et ne brise le sceau qu'après avoir donné son droit. Alors ici, par rapport à ça, certains ulama, ils ont dit quoi? C'est le sceau de la virginité. Mais ici, le shir, il dit quoi? Il dit le sceau de son mari et pas le sceau de sa virginité. Sinon, il y aurait un problème avec la version d'An-Nu'man ibn Bashir où il dit qu'elle était mariée. D'accord? L'homme dit, je me levais et la délaissa. Il y a dans la version, moi je vous donne une faïda, il y a dans la version d'An-Nu'man ibn Bashir, lorsqu'elle se livra à moi, elle se découvrit. D'accord? Elle se découvrit et elle trembla sous moi, elle tremblait. Hein? Elle trembla sous moi et je lui dis, qu'as-tu? Elle dit, j'ai peur d'Allah le Seigneur du monde. Akhafullah Rabbil Alamin. Hein? Je dis, tu la crains dans la difficulté? Parce que la femme, elle est en situation de difficulté. Hein? Tu la crains dans la difficulté et je ne l'ai pas craint dans l'aisance. Et je l'ai laissée. Voir référence précédente, page 176. Si tu sais que j'ai fait cela désirant ta face, alors ouvre pour nous un espace. il le rouvrit à la hauteur des deux tiers. Alors maintenant, est-ce qu'il savait sortir ou pas? Je vous pose la question. Hein? Mais il ne savait toujours pas sortir, voire à la référence précédente. D'accord? Et l'autre dit, maintenant, c'est le troisième. D'accord? Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il s'est empêché de faire? Zinolaïdoubillah. Hein? D'accord? Et l'autre dit, oh Allah, si tu sais que j'ai pris un employé pour le salaire d'un faraq de maïs. Les ulama, ils ont une discussion par rapport au faraq. Mais ce qu'ils rapportent le plus, c'est avec deux fathas, le faraq de maïs. Hein? On va traduire ça comme ça, min zuratin, que je lui ai donné, mais il refusa de le prendre. Les ulama, ils ont dit pourquoi il a refusé de prendre le salaire, l'employé, pourquoi il a refusé le salaire. Hein? On va pas rapporter ça, c'est trop long, peut-être que je vous dis juste de manière résumée. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un, apparemment, il avait plusieurs employés, d'accord, qui travaillaient pour lui, et qu'il y a un employé qui est venu à la moitié du jour, d'accord, et que les autres, ils s'est arrangés avec eux avec un certain prix pour toute la journée. Mais que celui qui est venu à la moitié de la journée, même si il n'a pas travaillé toute la journée, il lui a donné le même salaire qu'aux autres. Et que celui-là, le troisième-là, il lui a reproché cela. Il lui a dit, moi, je me suis mis d'accord avec toi. On s'est mis d'accord sur des conditions, je t'ai donné ton haq. Tandis que ce que je lui donne en plus, ça, c'est moi qui lui donne en plus de ma part. Hein? Donc ça va, c'est important de regarder un peu en profondeur, ça permet de plus comprendre les choses. Donc il dit ici, tu sais que j'ai pris un employé pour le salaire d'un faraq de maïs que je lui donnais, mais il refusa de le prendre. Je m'en suis donc occupé et je l'ai semé jusqu'à ce que j'achète avec les bénéfices engendrés de la semence une vache et que je paie quelqu'un pour s'en occuper. Puis l'homme vint me voir et dit... Hein, il revint le voir et il dit, « Oh serviteur d'Allah, donne-moi mon droit. » Je dis alors, « Va vers telle vache et ses bergers car elle est à toi. » Il dit, « Te moques-tu de moi ?» Hein? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'il devait. Il devait avoir. Je dis, « Je ne me moque pas de toi, mais cela t'appartient. Oh Allah, si j'ai fait cela désirant. » Je n'ai pas expliqué c'est quoi le faraq, non. C'est quoi un faraq de maïs? C'est quoi la mesure? Une mesure de large de 3 sa'a. Vous savez c'est quoi le sa'a? Sa'a, sa'd, l'alif ou l'a. Hein? Et un sa'a, c'est en fait 4 amdad, les ulama disent. 4 amdad. Et c'est quoi le... Hein? Hein, ouais. C'est quoi? C'est exactement comme tu as fait avec tes mains. C'est ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan. Un mad, c'est de quoi remplir les deux mains jointes et tendues d'une taille moyenne. D'accord? Donc 4 fois ça, c'est quoi? Un sa'a. D'accord? Un sa'a. Et cette mesure-là qu'on a dit, un faraq, c'est 3 sa'a. D'accord? Et un sa'a, c'est 4 amdad. Vous avez suivi ou pas? Et un mad, c'est quoi? Ou un mod, c'est quoi? Un mod plutôt? Hein? Voilà, c'est ça. D'accord? Et le poids du sa'a aujourd'hui, dans le poids qu'on connaît aujourd'hui, c'est 3 kilos. Plus ou moins 3 kilos, comme il dit, Cheikh Al-Fawzan, dans Bulugh Al-Maram. Volume 3, page 136, aux éditions d'Al-Imam Ahmed, et aussi voir référence précédente de Cheikh Al-Harari, l'Éthiopie. Donc on revient maintenant au hadith. Oh Allah, si j'ai fait cela désirant ta face, ouvre-nous ce qui reste bloqué de l'ouverture par ce rocher. C'est ça que ça veut dire. Et le reste de l'ouverture s'ouvra à eux. Et ce hadith l'a rapporté par Al-Bukhari dans son authentique numéro 2215, et Muslim dans son authentique numéro 2743. Et donc ce qu'on appelle un hadith qui est quoi? Muttafaqun. Allez. Puis le cheikh il continue en disant: فهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. D'accord? Donc ceci est une quoi? Et donc l'une des preuves des gens de la Sunna du consensus concernant le fait de prendre les actions vertueuses comme moyen de se rapprocher d'Allah. D'ailleurs, avant que j'oublie, il y a un excellent livre sur le tawassul qui est de qui? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ça c'est un que je voulais vous citer. Et il y en a un autre, d'un grand savant, Cheikh l'Islam ou Taymiyyah, hein, que Cheikh Rabi' d'ailleurs a fait, dont Cheikh Rabi' a fait le tahqiq. Qa'idatun fi tawassul wal wasila. Excellent livre sur le sujet. Troisième voie, on a vu la première voie, c'était quoi? التوسل بأسماء الله وصفاته. Deuxième voie. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. Et troisième. Vous la connaissez pas encore, qu'on n'a pas encore cité, à moins que vous la connaissiez déjà. أما الطريقة الطريقة الثالثة من التوسل المشروع فهي أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. C'est un mot important, ça, الأحياء. بأن تطلب منهم أن يدعو لك. كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج ليستسقي للناس. فأخذ معه من؟ العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. La troisième voie légiférée comme moyen de se rapprocher d'Allah, c'est que nous nous rapprochions d'Allah au moyen de l'invocation des vertueux vivants. D'accord ? Hein ? Dire une fois, hein, ce n'était pas vraiment prévu, mais je me suis retrouvé une fois devant une douzaine de soufis, hein, pas loin d'ici. D'accord ? Hein ? Et ça, c'est qui autorise le tawassul avec les morts, etc. Et ça, c'est la preuve avec laquelle je les ai réfutés, ils ne savaient pas répondre. Hein ? Donc, comprenez bien cette preuve. Elle est, c'est une preuve importante chez les gens de la Sunna al-Jama'a, hein, pour ce qu'on appelle, hein, pour le, ce qui concerne le tawassul. D'accord ? Donc c'est que nous nous rapprochons d'Allah au moyen de l'invocation des vertueux vivants, j'ai dit, vivants. Cheikh, il a dit vivants. En leur demandant d'invoquer pour toi. Comme Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, lorsqu'il sortit pour demander de la pluie pour les gens, ce qu'on appelle quoi ? L'istisqa. Il prit avec lui qui ? Al-Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la preuve de ça. Non, c'est quelqu'un qui a été dit, la première preuve, c'était la première genre de tawassul, c'était bil asma wa sifat, c'était le verset de surat, l'arabe, verset 180. Deuxième. Il y a d'autres preuves, évidemment, il n'a cité qu'une. Hein? Et, deuxième, c'était quoi sur l'amal saliha ? C'était hadith ashab al-ghar, al-muttafaq alayh. Hein? Qui est apporté par le Bukhari muslim. Maintenant, on parle de quoi ? Bidoua, as-salihin, comment ? Al-ahya. Al-ahya. C'est quoi le dalil ? On va le voir. An Anas ibn Malik, anna Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kana, radiallahu, an Anas, radiallahu anhu, ibn Malik, anna Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kana, idha qahatu stasqa bil-Abbasi, ibn Abdul Muttalib, faqala, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina, فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون والحديث أخرج البخاري في كتاب الجمعة. C'est un hadith qui est apporté par le Bukhari dans son authentique livre du vendredi. D'après Anas ibn Malik, Omar ibn Khattab, lorsqu'ils étaient touchés par une sécheresse, demandaient la pluie par le moyen de l'invocation. C'est ça qu'il faut comprendre de l'Abbas ibn Abdul Muttalib. Et dit, « Oh Allah, nous utilisions comme moyen de nous rapprocher de toi l'invocation de notre prophète, et tu nous donnais la pluie. Et nous nous rapprochons de toi par l'invocation de l'oncle de notre prophète, donnons donc la pluie. » Et la pluie, elle aurait été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari dans son authentique numéro 1010. D'accord ? Déjà ici, je pourrais vous poser la question, comme cela. Comment, pourquoi moi j'ai utilisé cette preuve pour réfuter ces le mot précis, c'est le brioulia avec qui j'avais discuté. Là, les turbans verts, comme on les appelle ici. Hein? D'accord ? Hein? Pourquoi ? Vas-y. Oh, mais comment c'est juste ce que tu dis, mais le hadith, comment c'est une preuve pour les réfuter ? Parce que dans le hadith, il disait, au vivant du prophète, on demandait au prophète. Et maintenant, on demande par son oncle. Il demande pas au prophète quand il est mort. Non. Allez, continuez, mais soyez plus précis dans ce que vous dites. Il précise justement que... C'est que c'était autorisé, comme ils disent eux. Hein? Ils n'auraient pas été chez l'Abbas qui est vivant, ils auraient été directement à la tombe du prophète, ça, celle-là. Vous comprenez ? Hein? C'est ce que Cheikh va le dire dans un instant, Inch'Allah. Cheikh, il dit... هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء وفي تصرف عمر رجل عنه دليل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات داكور وإلا لتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ها دير موش لي افيك حديث لي ريفيتي سور دو بوين جي دي سا حديث ديجا ان كي كونتر توا بارابور ا التوسل اي بارابور ا تا كرون سور البروفيس عنه كي لي با مور اسكو يكرو كي لي با مور ها D'ailleurs, ça s'est terminé là-dessus, ils m'ont dit que j'étais un mécréant et comme d'habitude, hein, ils sont partis. D'accord? C'est moi le mécréant, vous imaginez? Ne vous inquiétez pas, il a aussi kafar sur l'Albanie, sur l'islam, sur le Mez, à la fin quand il était énervé, il a sorti toute la liste. Wa illa la tawassala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa fi qabrihi badalan min an yatawassala bi du'a il Abbas, radiallahu anhu. ولا دليل لمن أجاز التوسل بالأموات سواء كانوا صالحين أو أنبياء والذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لهم. شيخ الدي il y a dans l'acte de Omar quel acte qu'ils ont demandé à l'Abbas de quoi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Abbas qui est un vertueux compagnon oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est vivant et qui était présent avec eux. Et il y a là dans l'acte de Omar une preuve qu'il est interdit d'essayer de se rapprocher d'Allah par les morts. Sinon, il se sera rapproché d'Allah par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans sa tombe, au lieu de se rapprocher d'Allah par l'invocation de l'Abbas. Car Allah agrée. Et ceux qui autorisent de se rapprocher d'Allah par les morts, qu'ils soient des vertueux ou des prophètes, n'ont aucune preuve. Et ceux qui se rapprochent d'Allah par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont aucune preuve. Certains d'entre eux, ils ont des choubouades des fois. Hein? D'accord? Et je vous assure que les Brioulias, quand ils sont venus, ils avaient des livres avec eux. Ils avaient des livres sur Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Bidaya, Nihaya, etc. Hein? D'ailleurs, j'ai fait exprès de lui dire, je dis non, lis-toi. Il me dit non, lis-toi, parce que je savais qu'il allait faire des erreurs dans la langue arabe. Je dis non, tfaddal, lis-toi. Après, la première fois, il a dit Omari, je dis Omar, Amoumna, Amnassar. Vas-y, continue, tfaddal. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, on a dit quoi ici? Et certains d'entre eux, écoutez, ça c'est important, il dit وَقَدْ إِسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ طَلَبِ الدُّعَى مِنَ الْمَيِّتِ. Maintenant, quelqu'un risque de venir te donner cette choubha-là. Toi, tu dois savoir en tant que salafi comment la réfuter. بِمَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ أُدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُوهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. Alors tu vas dire non mais peut-être que c'est ضعيف etc. Cheikh Al-Albani l'authentifie. On va voir ça, ne vous inquiétez pas, la réfutation elle arrive après inshallah. Certains d'entre eux ont utilisé comme preuve, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler si tu n'as pas d'ilm. Il ne faut pas rentrer dans les débats, etc. Hein? Certains d'entre eux ont utilisé comme preuve de l'autorisation de demander l'invocation du mort, ce qui a été rapporté de Uthman ibn Hunayf, qu'un homme aveugle vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, invoque Allah qu'il me guérisse. Il dit, alayhi salatu wa sallam, si tu veux, j'invoque, et si tu veux, tu patientes, et c'est meilleur pour toi. Il dit, invoque-le. Il lui ordonna de faire ses ablutions et de bien les faire et d'invoquer par l'invocation suivante. Écoutez l'invocation. Vous allez voir pourquoi ils essaient d'utiliser ça comme preuve. Oh Allah, je te demande et je m'oriente vers toi par ton prophète. Mohammed, le prophète de la miséricorde. Je me suis orienté vers mon Seigneur par toi dans mon besoin qui est celui-ci afin que cela soit réalisé pour moi. Oh Allah, fais-le intercéder pour moi. Et ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan Ibn Majah, et sa chaîne de transmission a été authentifiée par les correcteurs du Musnad. Le Musnad de qui? Imam Ahmed, parmi qui a fait le tahriq notamment de le Musnad? C'est qui? Ahmed Shakir, Ahsant, Ahmed Shakir, Rahmatullah. Ils ont donc dit, regardez, « وقالوا, هذا » الدعاء يدعوه الإنسان حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يستجاب له ويكشف عنه كربه الذي هو فيه. الكرب الذي هو فيه. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عثمان بن حنيف هذا الدعاء، وفيه سؤال الله أن يقبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، اللهم شفع فيه، ومعنى ذلك أي اقبل اللهم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيا، واقبل شفاعته فيا أن ترد، أن ترد إلي بصري. فهذا الدعاء خاص بهذا الرجل، لأن فيه طلبا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يقبل دعاءه فيه، وأن يدعو بهذا الدعاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أحد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو به ليتحقق له ما تحقق لهذا الرجل الضرير، لأن ما حصل له كان ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو وحي، وهو استغفر الله، وهو حي برضو. alors qu'il est quoi? Il est vivant. D'accord? Écoutez bien cette technique. Vous voyez que alhamdulillah, les ulama d'Ahl Sunna al-Jamaa, hein, pas une chouba qui arrive sans qu'il l'a, il a refuté avec ilm. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher aux ulama. Éviter les gens d'innovation, éviter les gens de, hein, de dalal, de l'ahwa, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choubas. Et des choubas dangereuses. Hein, qui peuvent nous mettre des doutes dans notre aqida si on n'a pas l'ilm. Ils ont donc dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont utilisé de preuve de quoi? De Uthman ibn Hunayf, que quoi? Une personne peut invoquer par cette invocation même après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que cela soit accepté d'elle et que l'affliction dans laquelle elle se trouve soit dissipée pour elle. Maintenant, le rad de Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah. Et utiliser ce hadith comme preuve, pour cela est discutable, fi nazar. Car le sens du hadith est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris cette invocation à Uthman ibn Hunayf, et il y a dans cette invocation qu'Allah accepte l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Oh Allah, fais-le intercéder pour moi. Et le sens de cela est, il y a des ulama comment ils comprennent les choses, c'est-à-dire, oh Allah, accepte l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? C'est ça le sens. Oh Allah, accepte l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour moi, et accepte son intercession à mon sujet, que tu me rendes la vue. Donc cette invocation est spécifique à cet homme. Car il y a dans cette invocation une demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque Allah, qu'il accepte son invocation à son sujet. Et qu'il invoque par cette invocation avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne peut après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquer par cette invocation afin que se concrétise pour lui ce qui s'est concrétisé pour cet homme aveugle. Car ce qui lui est arrivé par la baraka de l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Et c'est une... Hein, alors qu'il était quoi? On a dit qu'il était, hein, vivant. Maintenant, regardez encore le bon enseignement de Cheikh Mohamed ibn Bazmoul. Hein, c'est bien, regardez les ulama, ils vous disent le haq, et puis ils vous disent quoi? Ils vous montrent, hein, des chouboîtes que les gens peuvent vous dire afin que vous sachiez quoi? Leur répondre et protéger votre, hein, votre aqida, protéger votre din. Maintenant, il dit Fa'im qil, s'il est dit maintenant. Là, ça doit vous rappeler un livre, ça. Un autre livre. Alhamdoulilah, c'est un livre que je peux faire complètement avec Cheikh Obed. Kashf Shubuhat. Hein? D'accord? Mais c'est pour ça que certains machers disent que quelqu'un, avant de faire Kashf Shubuhat, il doit faire Kitab Tawhid. D'accord? Fa'in qil, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hayun fi qabrihi. Fa'nahnu nad'uhu liyakuna wasitatan lana baynana wa bayna rabbina. نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وندعو الرسول صلى الله عليه وسلم. Si maintenant quelqu'un venait à dire, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est vivant dans sa tombe. Regardez, hein, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Quoi? Qu'il est vivant dans sa tombe. Parce que tu dis, mais il est mort. Non, mais il est vivant. Hein? Si il est dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est vivant dans sa tombe, et donc nous l'invoquons afin qu'il soit un intermédiaire entre nous et notre Seigneur. Nous prenons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme moyen de nous rapprocher d'Allah, et nous invoquons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la réponse? Al-Jawab. إذا صحت الأحاديث في أن الرسول حي في قبره يرد الصلاة على من يصلي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخلو الحال من أمرين. شغل دي la réponse, si les hadiths selon lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe sont authentiques, qu'il remet la prière à celui qui prie sur lui, alors cela ne sort pas de deux situations. إما أن تطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكم وهو في قبره وأنتم في مكانكم بعيدا عن قبره، وإما أن تطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكم وطلبكم هذا وأنتم عند قبره. Deux situations. Regardez comment il amène les choses. Il y a deux situations, après on va parler de chaque situation. Soit que vous demandiez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque pour vous alors qu'il est dans sa tombe, et que vous êtes à l'endroit où vous êtes loin de sa tombe. Ça, c'est le premier cas. D'accord ? Soit vous êtes loin. Soit que vous demandiez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque, et cette demande est de votre part alors que vous êtes à sa tombe. Donc, ou vous êtes loin ou vous êtes à sa tombe. Regardez après comment le cheikh il amène le rad ici. Regardez ce qu'il va dire le cheikh. Enfin, fil halil awal, et on avait dit qu'on peut dire quoi, fil halil oula, طلبكم للرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام يعلم بطلبكم ويعلم دعاءكم، ففيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو ليس من حاله وأمره، فقد جعلتم الرسول صلى الله عليه وسلم كالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسمعكم وأن يستجيب دعاءكم رغم بعدكم عنه، فهذا الدعاء فيه صرف شيء من خصائص الله لغيره، فهو شرك أكبر. إذ وصفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة العلم بحالكم وطلبكم وأمركم، فنزعتم الله سبحانه وتعالى في صفة العلم، فهذا يدخل في الناقد الأول. Premier quoi, c'est quoi? Le premier quoi, c'est que ils sont loin de la tombe, d'accord? Cher, qu'est-ce qu'il dit? Le premier, c'est que vous demandiez au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'intercession et qu'il vous rapproche davantage d'Allah. Non. Dans le premier cas, votre demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam inclut qu'il connaisse votre demande. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quoi ? Loin de la tombe, on est d'accord. Qu'ils connaissent votre demande et qu'ils connaissent votre invocation. Et il y a en cela le fait de donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un attribut qui n'est pas le sien. Car vous avez rendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme Allah, étant capable de vous entendre et de répondre à votre invocation malgré votre éloignement de lui. Regardez le rad. Regardez sur quel angle il est venu le cheikh ici. Il y a donc dans cette invocation le détournement d'une des spécificités d'Allah à autre que lui. Et c'est une quoi? Une à quoi? Association majeure. Car vous avez décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'attribut de science de votre situation et de votre demande et de votre affaire, et donc vous avez disputé à Allah l'attribut de science. Et cela entre dans le premier annulatif. D'accord ? Maintenant, c'était quoi le deuxième qu'on a dit ? Deuxième, on a dit le premier, ils sont loin. Et le deuxième cas ? Ils sont prêts. Dans le deuxième cas, si vous demandez, ou ils sont à la tombe, si vous demandez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à sa tombe, et s'il ne vous entend pas, alors le jugement est comme pour le premier cas. Donc maintenant, vous êtes à sa tombe, mais il ne vous entend pas. Donc le jugement, c'est quoi ? C'est comme pour le premier cas qu'on vient de citer. Vous êtes d'accord, vous avez suivi. Et si c'est que s'il était vivant, il vous entendrait, alors cela ne sort pas des deux cas. Je ne cassais pas que j'ai pris du plaisir à préparer ce cours. Il dit le cheikh. J'avais pas lu d'ailleurs ça en arabe. وفي الحال الثاني إذا طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره فإن كان بحيث لا يسمعكم فالحكم فيه كالأول وإن كان بحيث لو كان حيا يسمعكم فلا يخلو الحال من أمرين. الأول أن تطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن يقربكم من الله زلفى، فهذه واسطة كفرية تدخل في الناقد الثاني من نواقض الإسلام. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الثاني أن تطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكم أن يسأل الله لكم، ولم يقترن ذلك بصرف شيء من خصائص الله له صلى الله عليه وسلم فهذا توسل بدعي حرام لا يجوز وقد يفضي إلى الشرك الأكبر. فإن اقترن بطلب الغوث أو المدد أو السقيا وما لا يستطيع أن تقول يا رسول الله أطعمني أو اسقني مما يتضمن إثبات تصرفه في الكون فهذا فيه صرف شيء من خصائصه سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر. Dans le deuxième cas, si vous demandez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe, et s'il ne vous entend pas, alors le jugement est comme pour le premier cas, ça on a déjà dit. Et si c'est que s'il était vivant, il vous entendrait, alors cela ne sort pas de deux cas, ça on a déjà dit aussi. C'est quoi ces deux cas? Ben le premier, que vous demandiez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, et qu'il vous rapproche davantage d'Allah, alors c'est quoi? Une prise intermédiaire de l'ordre de la mécréance, qui entre dans le deuxième annulatif, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parmi les annulatifs de l'islam, Allah dit ce dont la traduction du sens est, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est, qui est menteur et grand ingrat. Sourate Az-Zumar verset 3. Donc toi tu lui parles comme ça, quelqu'un venait de sentir cette choubha, tu lui dis, voilà il y a deux cas. Premier cas, tu donnes dalil. Hein? C'est comme ça qu'il est salafi. Salafi qui t'lob l'ilm, mais salafi qui t'lob pas l'ilm, il ne sait pas dire ça. Deuxième cas, hein, que vous demandiez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer pour vous et de demander à Allah pour vous. Et cela n'est pas accompagné d'un détournement de l'une des spécificités d'Allah vers lui. Alors c'est quoi? C'est un moyen de se rapprocher d'Allah qui est innové et illicite. D'accord? Celui juste avant, c'était quoi? Shirk al-Akbar, association majeure. Maintenant c'est quoi? C'est un tawassul bid'i, muharram. Il n'est pas permis, ou la yajouz, et cela peut amener à quoi? À l'association majeure. Et si cela est accompagné d'une demande de secours, regardez le cheikh qu'est-ce qu'il dit. Et si cela est accompagné d'une demande de secours, ou d'assistance, ou de pluie, et ce dont il n'est pas capable, comme le fait que tu dises, au messager d'Allah, nourris-moi. Ou donne-moi la pluie. D'ailleurs, quand je vais voir là avec ce soufi-là, ils m'ont dit, oui, tu peux demander, tu demandes tout ce que tu veux. Alors, ça, c'est... Hein? Parmi les choses qui comprennent l'affirmation qu'il agit sur le monde, alors il y a en cela le détournement de l'une des spécificités d'Allah vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi alors à ce moment-là? Une association majeure. Il faut dire, hein, majeure. Hein? D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et après, on va voir une parole d'Ibn Taymiyyah. Mais la parole d'Ibn Taymiyyah, elle est très longue. Elle est vraiment très longue. Parce qu'il parle de tawassul, etc. Hein? Elle est vraiment même très très longue. D'ailleurs, elle fait tout le reste. Elle fait 1, 2, en arabe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Majmou' al-Fatawa, le cheikh il a résumé. Majmou' al-Fatawa, le cheikh Ibn Taymiyyah. Donc, plutôt de couper ça, moi je préfère qu'on ait ça pour le cours prochain, Inch'Allah. Qu'on ait tout la parole d'Ibn Taymiyyah en un bloc, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa jazakum Allahu khairan, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On verra après ça, Inch'Allah. Prochain cours, donc la parole d'Ibn Taymiyyah complète, pour finir ce qu'on a parlé au sujet du tawassul ici. Et puis on verra le troisième annulatif qui est « Malam yukafir mushrikin aw shakka fi kufrihim kafar ». D'accord? La preuve, la base, c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Donc normalement, il devrait y avoir cours samedi prochain, sauf si je voyage ou pour une raison différente. On se tient au courant via Twitter et via les textes, etc. Hein? Je sais que le frère qui s'occupe des textes, d'habitude, il est en voyage pour le moment, donc il n'a pas pu vous texter, etc. Mais via Twitter, hein? Soit mon compte à moi, Mehdi Maghribi, soit sinon le compte d'SPF, ou le compte des frères qui sont ici à la mosquée, etc. Ou via aussi Sunna Publication, hein, la radio qui est une radio salafi d'un frère de Paris, Jazallahu Khairan. Et il se peut que je fasse un cours demain ou après-demain à la radio. Hein, je vous tiens au courant aussi, Inch'Allah. C'est paroles sur la Sunna, pas sur les événements actuels numéro 4. C'est la partie de Cheikh Khalid al-Dhafiri, après Cheikh Ahmed Soubaï, après Cheikh Khalid al-Rahman, après Cheikh Abou al-Abbas Adil Mansour, qu'on fasse Cheikh Khalid al-Dhafiri. Et puis après, Inch'Allah, il y aura juste Cheikh Mohamed bin Ramzan al-Hajiri. Et on aura fini cette daura la complète. Et on pourra faire les autres daurats qu'ils ont fait, d'autres cours, Inch'Allah ta'ala. Il y a un livre de Cheikh Al-Islam que j'ai fini. Il y a juste des terminologies que je dois définir, Inch'Allah, en note de bas de page. Ça peut faire 3-4 cours en français. On va les faire, Inch'Allah. C'est Hadi Da'watuna de Cheikh Al-Islam. Il rapporte 6 fondements de la salafia. Hein? Donc on se tient au courant vis-à-vis des événements, Inch'Allah. Jazakumullah khairan.